Un soir, par Maurice Level. Une seule lampe avec un abat-jour épais éclairait le salon où chaque soir, depuis 20 ans bientôt, M. de Lambret faisait la partie de Mme d'Arins. Étant très vieux, il n'avait besoin ni de grande lumière pour se voir, ni de paroles pour évoquer leurs souvenirs. Un mot, souvent venu au même instant à leurs pensées ou sur leurs lèvres, faisait revivre toute une époque. Un meuble, sur qui le regard se posait, éveillait une histoire d'autrefois qu'achevait de raconter le silence, et comme si quelque accord tacite les eût unis. Jamais l'un ne demandait à l'autre « À quoi pensez-vous ? » Le présent n'ayant plus de charme, l'avenir leur étant mesuré, ils promenaient leur mémoire fidèle dans le passé. Monsieur de Lambret, qui avait été marin, parlait de ses lointaines aventures, des semaines vécues entre le ciel et l'eau, des pays où l'on traîne, parmi l'ardeur des soleils éclatants ou la grisaille des ciels de neige, la nostalgie du petit soleil et des petites neiges de chez soi, d'innombrables pagodes, des temples roses et dorés, des meubles où le nacre emprisonne l'arc-en-ciel, des dieux étranges de bronze, d'or et d'ivoire, des murs de papier, des sièges de bambou hantaient ses récits. Pourtant, de ces innombrables voyages, il n'avait rien rapporté. Sa maison retrouvée, après sa retraite et la mort de ses parents, était demeuré tel qu'au jour de son enfance. Il accrochait sa canne où il accrochait jadis son cerceau. Le pas de sa servante glissait sur le tapis où, tout petit, il se traînait le long des jupes de sa mère. Chez Madame d'Arins non plus, rien ne s'était modifié. Avec une grâce vieillotte, elle s'asseyait dans les fauteuils où sa grâce de jeune fille s'était plu. Autour d'eux, la vie semblait s'être arrêtée, et très vieux, il goûtait la douceur de ce calme et de leur amitié discrète. En voyant la fenêtre de Madame d'Arins s'éclairer, les gens de la ville se disaient « Les amoureux sont là ». Et ils n'ignoraient point qu'on parlait ainsi, mais feignaient de n'en rien savoir, car, si tendre que fût leur intimité, une gêne un peu mystérieuse y flottait, et quand, sur le coup de 11 heures, ayant rangé les jeux et enfermé les marques, M. de Lambret s'en allait par les rues désertes, malgré le tendre sourire de leur boire et la caresse du baise-main, il se retournait parfois avec la tentation de revenir sur ses pas, de dire d'autres mots, ou d'entendre une phrase que lui-même n'osait jamais prononcer. Cependant que Madame d'Arins, suivant son ombre entre les rideaux écartés, se souvenait de tant de soirs où jadis elle l'avait regardé partir ainsi, du temps qu'ils étaient jeunes, et qu'elle attendait elle aussi la petite phrase qui porte en elle tout le destin. Alors elle se déshabillait lentement, et comparant dans le miroir sa figure fanée, ses épaules fragiles, ses bras jaunis et ses mains un peu déformées au pastel, qui, près du lit, répétait l'histoire de ses 20 ans, elle songeait qu'il le fait bon vivre à deux, côte à côte, et traverser les mains unies ce long chemin. Ils s'étaient aimés, elle en était sûre, ils s'aimaient encore, elle n'en doutait pas. Mais entre ces deux amours, quel nuage avait passé? Pourquoi, lorsqu'ils étaient riches de tant d'avenir, ne lui avait-il pas dit « Soyez ma femme ». Pourquoi était-il parti au loin, sans un aveu, et pourquoi elle-même, à son premier retour, n'avait-elle pas su, par timidité peut-être, et peut-être aussi par orgueil, l'obliger à parler? Ses idées sur ce point n'avaient pas varié. Une femme était passée entre eux, et l'ombre de ce semblant d'amour avait voilé leur amour véritable un moment. Ensuite, lui n'avait plus osé reparaître. Elle n'avait pas voulu pardonner. Et la tristesse de leurs existences venait de ce roman sans lendemain. Elle songeait à tout cela en se glissant dans son lit solitaire. Elle y songeait aussi en regardant, à la dérobée, son vieil ami poser ses cartes ou tisonner le feu, ou lire de sa voix encore belle les journaux de Paris, ou les pages d'un roman préféré. Or, un soir, parce qu'il pleuvait, parce que les premiers jours d'automne mettaient une langueur sur la ville, parce que le bois humide chantait, ou simplement parce qu'elle était envahie par trop de souvenirs, Madame d'Arins, ayant écouté d'une oreille distraite les nouvelles du jour, releva ses cartes sans hâte et par deux fois se trompa en annonçant un sans dasse. Monsieur de Lambret lui en adressa poliment la remarque. Elle assura que la lampe éclairait mal et qu'elle avait froid. Il proposa d'interrompre le jeu et de se rapprocher de la flamme. Elle accepta, et penchée vers les bûches, ils se regardèrent en silence. 10 heures sonnèrent. Il fit un mouvement pour se lever. Elle dit « Pas encore. Tenez, puisque les cartes ne m'amusent pas aujourd'hui. Lisons. Prenez un livre. Voulez-vous? Lequel? N'importe. Un vieux livre. Bien oublié. Un ami délaissé. Ils ont du bon, parfois. chercher dans la bibliothèque tout en haut, parmi ceux que j'aimais quand j'étais jeune, au hasard. Il en prit un dont la reliure sentait le vieux papier, les fleurs sèches, et lut le titre « La petite Dorrit » de Dickens. « C'est drôle, ce livre, je vous l'avais prêté, je me souviens, » sourit Madame d'Arins. Il inclina la tête, mais comme il s'apprêtait à tourner la couverture, le livre s'ouvrit de lui-même et une enveloppe apparut entre les pages, une enveloppe jaunie qui portait ses seuls mots, Marie-Rose. Monsieur de Lambret hésita imperceptiblement. « Eh bien, mon ami, eh bien, » dit Madame d'Arins. Il lui tendit la lettre et murmura. « Ce que je trouve ?» Elle la prit, lut la suscription et réfléchit. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela peut bien être ?» Il gardait le livre sur ses genoux sans parler. Elle ouvrit l'enveloppe, amusée de ce retour vers le passé. Puis, son sourire trembla. Elle pencha le papier sous la lampe et lut d'une voix faible et qui semblait venir d'aussi loin que les mots. « 10 novembre 1865. Je m'embarque demain. Mais avant de partir, je vais vous dire que je vous aime. Jean de Lambray. » Elle balbutia. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !» Il dit. « Vous ne l'aviez donc pas trouvé ?»« Jamais, » murmura-t-elle. Il reprit sa lettre et pleura. Elle, penchée sur lui, répétait « Si j'avais su, si j'avais su. » C'était « Un soir » par Maurice Level.